Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, Camille nous revient pour nous parler d'Endymion et de sa suite. Hello, chers auditeurs d'Audio Libris, Camille au micro. La dernière fois, je vous ai parlé de Hyperion et de la chute d'Hyperion. Pour faire suite, j'attaque les deux autres tomes, Endymion et l'éveil d'Endymion. Donc pour ne pas plus tarder, je vous lis tout de suite le résumé d'Endymion. Roland Endymion est né sur la planète Hyperion à l'ère de la Pax. Il n'a pas accepté le cruciforme, ce qui le voue à une mort définitive. Mais voici qu'il est exécuté à l'âge de 27 ans et se réveille vivant. Pour le vieux poète Martin Silenus, auteur des Cantos inachevés, le jeune homme est marqué par le destin. À lui de retrouver la petite aînée, disparue à l'âge de 12 ans dans les tombeaux du temps, de la protéger de la Pax et finalement de renverser la puissance de l'Église. Un programme d'autant difficile que la Pax est prête à les poursuivre et les voyages d'aînés et d'Endymion ne sont pas prêts de finir. Il y a donc entre la chute d'Hyperion et le tome 3, Endymion, 272 ans qui se sont écoulés, ça en fait du temps, et pourtant on retrouve quand même notre cher Martin Silenus. Alors là, donc en général, enfin, on retrouve Martin Silenus, donc, mais c'est le seul pèlerin que l'on retrouvera vivant. Les autres, on va en entendre un peu parler, mais bon, enfin, ils vont être dans les récits, dans les explications, forcément, puisque tout ce qui s'est passé entre-temps, après la chute d'Hyperion et la chute de l'univers, toute l'histoire est quand même marquée par les Cantos d'Hyperion, par ces 7 légendaires pèlerins. Et donc, le livre s'ouvre encore sur Hyperion pour découvrir donc un nouveau personnage dont on n'avait pas du tout entendu parler jusque-là, Roland Endymion, et qui va donc cette fois nous accompagner pour clôturer cette saga. Et donc, il y a aussi Aînée, donc qui est une petite fille dans le tome 1, enfin une petite fille, elle a quand même 12 ans, donc une pré-ado, et donc qui est la fille de Bron Lamia et de John Keats. Donc c'est pas n'importe qui. Donc c'est surtout sur elle que se base quand même l'histoire, puisque c'est sur ses épaules, sur ses toutes petites épaules de petite fille que repose toute l'aventure et tout l'avenir de l'humanité. Et Roll, étant plus âgé, a été choisi et tout indiqué pour la protéger donc de la Pax. Alors, dans le tome 1 et dans le tome 2, des questions se sont posées et ont trouvé des réponses, mais il y en a quand même pas mal qui sont restées quand même très évasives et où il n'y a que des suppositions. Il y a également des événements qui se sont produits dans le tome 1, dont on n'a pas vraiment entendu parler dans le tome 2, qui ont pris une immense ampleur pendant ces 272 ans qui se sont développés et qui ont changé l'univers. Donc toute l'hégémonie qui a disparu est remplacée donc par la Pax, qui est donc le contrôle de l'Église catholique sur l'univers, et le cruciforme, si vous avez lu le tome 1, vous savez de quoi je parle, et le cruciforme donc, qui est devenu, au lieu du traitement Poulsen, la source d'immortalité. Alors je peux dire que j'étais contente dans le tome 3, donc dans Endymion, de redécouvrir Martin Silenus, puisque c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais bon, on ne reste pas longtemps avec lui pour autant, on le retrouvera plus tard, mais bon, il est là dans le début du tome 3, et voilà. Et après, une fois que Roland Endymion a récupéré la petite aînée, ils partent en voyage donc à travers la Pax pour se rendre sur l'ancienne Terre, puisqu'on sait qu'elle a disparu, mais qu'elle n'a pas été détruite. Ça, on le sait depuis le tome 1. Et donc, pendant tout ce voyage, ils vont vivre donc des aventures plus ou moins pleines de rebondissements. Ils sont également accompagnés d'un androïde abétique. Et puis, voilà. Moi, je dois dire que j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 était très bien aussi, mais bon, je l'ai dit, j'adore le tome 1, vraiment, c'est celui que je vénère le plus. C'est pour toutes ces histoires qui s'enchaînent comme ça, c'était vraiment très intéressant. Le tome 3, au fond, il y a beaucoup de choses qui sont révélées, mais parce que bon, on découvre la Pax, elle n'existait pas dans le tome 2, dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc on découvre la Pax et ce que c'est. Mais donc ça, c'est intéressant, un chapitre sur deux, puisqu'il y a des chapitres en alternance, un chapitre qui nous raconte l'histoire de Roland Dimion et d'Ainé, et l'autre chapitre qui nous raconte la Pax et les soldats de la Pax qui pourchassent Ainé et Endymion. Et donc bon, ce sont ces chapitres-là que j'ai trouvé les plus intéressants, parce que sinon, en ce qui concerne Roll et Ainé, c'était assez vide dans un sens, il n'y avait pas grand-chose. Bon, personnellement, ça m'a moins captivé. Donc bon, c'est un gros pavé, hein, forcément, ce brave bouquin. Voilà, et je me dis que dans un sens, il est long pour rien. Je trouve qu'il y a des passages, enfin, il y a pas mal de choses dans un sens que je n'ai pas très forcément apprécié. Donc ça m'a moins captivé. Voilà, donc je passe. Mais vous pouvez le lire, bien sûr. De toute façon, il faut forcément lire pour avoir des réponses. Enfin, pour découvrir tout ce qu'est la Pax, hein, c'est surtout ça. Moi, ce que j'avais aimé donc dans le tome 1, c'était de découvrir l'hégémonie et tout ce que l'humanité a formé dans l'univers. Et donc, forcément, dans le tome 3, l'avantage, c'est qu'on revoyage un peu. Donc, on refait un voyage le long du fleuve Styx qui permet de passer de monde en monde avec les portes d'Istrance. Et donc bon, ça c'était bien parce que du coup on repasse de civilisation en civilisation et voilà, donc on revoyage, mais bon, c'était moins palpitant. Mais bon, j'ai aimé découvrir la Pax quand même, ça c'était bien. Et donc, le tome 4, le dernier, l'éveil d'Endymion, son résumé, est née à 16 ans. Elle vient de passer 4 ans sur la Terre kidnappée, des années consacrées à l'étude avant de rebondir. Ses adversaires sont neutralisés pour le moment. Le père de Soya exerce son ministère sur le monde désertique de Madre de Dios. Némès, la chose vivante, est restée fondue sur une roche du bosquet de Dieu. Mais la Pax lance une nouvelle croisade, la solution finale au problème des Extros. Et tous reprennent du service pour leurs causes respectives. Mais leur fin garde une bonne partie de leur mystère. Ainé est-elle vraiment un virus nanotech envoyé pour contaminer l'humanité et le Gritch qui le manipule? Quant à Endymion, il part pour un long voyage cryogénique au terme duquel il trouvera Ainé adulte. Alors sonnera pour lui l'heure de l'éveil. Alors c'est le tome 4, donc bien évidemment tout se termine. Alors il y a encore un laps de temps qui s'est écoulé en effet, donc comme dit dans le résumé, entre la fin du tome 3, je vais y arriver, entre la fin d'Endymion et le début de l'éveil d'Endymion, 4 ans se sont passés. Ils ont passé donc 4 ans sur la Terre, tranquille. Et donc, Ainé a un peu grandi. Et elle va grandir donc encore plus, puisqu'il va y avoir un décalage de temps entre Ainé et Endymion. Donc du coup, ils ne vont pas se retrouver... Enfin, le temps va s'écouler un peu plus rapidement pour l'un que pour l'autre. Et donc, bon, on a des réponses aussi qui arrivent. Donc on a... Roll qui va vivre quelques aventures de son côté, Ainé qui va vivre quelques aventures de son côté. On va surtout suivre Roll. Donc dans son voyage, Ainé, on va savoir ce qu'elle a fait entre deux plus tard, mais pas sur le moment, on ne saura pas. Et donc on retrouve toute une flopée de personnages, et on a beaucoup de réponses qui arrivent. On a une grande réunion de tous ces personnages importants, donc pour faire le point et pour nous expliquer ce qu'est quoi, d'où vient le Gritch, qui est-il, qui l'a créé, qu'est-ce que le vide qui lie, ou le vide qui relie, ça dépend. Donc oui, d'ailleurs, je vais venir sur ce point tout de suite, je vais pas l'oublier. J'ai été très surprise, parce qu'en fait, j'ai le tome 3 et le tome 4, je les ai pas lus dans la même édition. Et donc, ce n'est pas le même traducteur. Et avec le tome 3, évidemment, je m'étais habituée à un style d'écriture, à des personnages. Et avec le tome 4, c'est fou, mais déjà dans le tome 3 et jusque-là, on m'avait toujours dit que c'était le vide qui relie, j'avais toujours eu ce terme-là. Et là, d'un seul coup, dans le tome 4, je me retrouve avec le vide qui lit. Bon, peu importe, on comprend tout de suite que c'est de ce dont il s'agit. Mais ça n'empêche, bon, que ça m'avait un peu surpris sur le départ, surtout que c'était pas les mêmes personnages qui en parlaient. Donc du coup, je me demandais s'ils avaient ces personnages-là et les personnages principaux avaient une manière de désigner les choses différentes. Et après, bon, bah, j'ai réalisé que non, que c'était simplement l'édition qui voulait ça. Et alors, par contre, chose étrange, dans la façon de parler entre le tome 3 et le tome 4 avec cette traduction, je ne reconnais pas du tout Roll. Il m'apparaît différent dans sa façon de parler, dans... C'était assez étrange et déconcertant, ça surprend quand même pas mal, et donc je mets ça sur le dos de la traduction, je vais pas mettre ça sur le dos d'autre chose. Et donc c'était un peu déstabilisant quand même, et bon. Alors déjà que dans le tome 3, donc je m'étais pas très très amusée, mais bon quand même, il y avait des bons trucs puisque j'aimais découvrir la Pax et l'église. Et toute l'importance que l'Église avait pu prendre, etc. Ça, c'était tout le complot qu'elle mettait en place envers les autres religions, c'était intéressant. Mais donc, dans le tome 4, bon, à partir de. Une fois qu'on a dépassé la moitié, c'est bon, on a beaucoup de réponses qui arrivent. On a donc un sommet, une grande réunion. Avec plein de personnages, donc pour faire le point et pour tout nous expliquer. Donc ça, c'est bien comme ça, ça se termine avec les explications qu'on attendait tant. Donc on est content. Mais en même temps, bon, il y a des choses qui se passent dont je ne suis pas sûre d'avoir compris l'intérêt. J'ai tendance à penser que si quelque chose nous est dit, c'est que forcément il y a un intérêt. Si un personnage vit une aventure, c'est que forcément il y a une raison à cela. Ben, je suis pas sûre d'avoir bien compris pourquoi est-ce qu'on avait certains passages, quoi, qui me paraissaient longs pour rien. Enfin voilà, ou même si quelque chose peut être raconté en prenant moins de temps. Ou alors peut-être que j'étais trop impatiente d'atteindre la fin, d'avoir mes réponses, et que du coup je profitais moins des petits passages de détente, on va dire, qui sont pas forcément détente puisque c'est plein d'aventures. Mais bon, donc du coup, en résumé, puisque l'émission se termine, donc en petit résumé quand même, j'adore Hyperion, j'aime beaucoup la chute d'Hyperion, donc même si ça se termine sur une note vraiment très très très sombre, et ben par contre, là du coup, avec Endymion et l'éveil d'Endymion, j'étais quand même un peu déçue. Alors peut-être aussi que c'est le fait que j'étais moins attachée à ces personnages que Aenée et Roland Démion n'ont pas réussi à me captiver autant que tous les pèlerins ou que John Keats et Joseph Stevern et Emena Gladstone et tout cela. J'ai trouvé ça un petit peu moins passionnant. Au final, c'est quand même une excellente saga, une très grande saga qu'il faut absolument lire si on aime la science-fiction. Bonne lecture et à la prochaine! Merci Camille. Vous pouvez la contacter via son site internet à developpeur.site.web.free.fr/. Merci de votre attention. À bientôt.